vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL 89.1 et pour cette deuxième partie d'émission, on va faire un saut dans l'énergie. Parce que sans pétrole et hydroélectricité, notre société ne serait pas ce qu'elle est. L'énergie conditionne notre vie, l'énergie coûte cher, l'énergie gruge notre budget, l'énergie génère des tensions internationales, donc l'énergie est partout, mais en fait l'énergie c'est quoi ? Et vous verrez que la réponse peut être à la fois très concrète et étonnamment abstraite. Alors on va explorer une page de l'histoire de cette notion centrale en science avec Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au Cégep Garneau et chargé de projet au Centre de démonstration en sciences physiques. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie. C'est un plaisir de te retrouver au micro. Tu étais venu cet automne, je ne me rappelle plus. Oui, on avait parlé de scientifique fou. Je me souviens. Donc là, tu te dis... Je vais parler un petit peu d'énergie. Oui, j'avais le goût de faire un peu de physique de base à la radio, là, au lieu de parler des dernières découvertes, un peu d'histoire et de physique que j'enseigne au cégep. Parce que la notion d'énergie, on en entend parler tous les jours dans les nouvelles. Là. Si on ouvre les nouvelles, c'est sûr qu'on va entendre parler d'énergie. Mais bon, qu'est-ce que c'est, comme tu disais, si on voulait donner une définition là, pour beaucoup de gens, j'imagine, c'est pas... si évident que ça. Non, si je dois réfléchir à donner une définition, je vais avoir un petit peu de mal. Oui, c'est ça. Ben, on va en donner quelques-unes aujourd'hui parce que ça peut être à différents niveaux. Que, je me disais, on entendait, bon, c'est, tout le monde parle des tarifs, là, ces temps-ci, les tarifs douaniers qu'on pourrait qu'on se fait imposer et tout ça. Puis là, il y avait le premier ministre Doug Ford qui disait 25% sur l'électricité. Puis là, je me suis dit, bon, tu sais, des tarifs sur l'aluminium, ou sur du bois, des choses comme ça. Ça, c'est concret. C'est une tonne d'aluminium, on sait c'est quoi. Là. C'est beaucoup d'aluminium. Mais si on met 25% sur de l'électricité, ben c'est pas... En fait, on vend pas vraiment de l'électricité, on vend de l'énergie qui est transportée sous forme d'électricité. Mais on produit notre électricité dans des centrales puis avec d'autres types d'énergie qu'on transforme. En fait, une centrale électrique, ça... C'est une usine à produire de l'énergie, puis la mettre sur la route de l'électricité pour l'envoyer ailleurs. Quand on dit qu'on impose des tarifs sur de l'énergie, tu sais, ça reste quelque chose d'abstrait. Puis si on n'est pas capable de se définir c'est quoi l'énergie, c'est limitant un peu. Puis je me disais, est-ce que le premier ministre du Canada ou le futur premier ministre du Canada ou Donald Trump ou peu importe, seraient capables de donner une définition de ce que c'est l'énergie. Pourtant, tu sais, ils jonglent avec ces concepts-là à chaque jour, évidemment. Fait qu'on va essayer d'en donner une définition. Donc l'énergie, c'est pas juste l'essence qu'on met dans notre réservoir de voiture, là. C'est la forme que prend l'énergie. Ça peut être l'essence, ça peut être une pile, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut même être de la nourriture quand on est en train de manger, c'est pour avoir de l'énergie. Puis dans les... dans tous les enjeux de la planète qu'on nomme et qu'on réfléchit en ce moment, l'énergie est partout. Là. S'il y a des guerres sur la planète, il y en a pas mal que c'est à cause de l'énergie. S'il y a des gens qui meurent de faim, c'est beaucoup à cause de l'énergie. Si les changements climatiques, c'est une question d'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Fait qu'on va on va travailler sur ce concept-là, disons. Donc, c'est ça. Si on essaie ça, comment on pourrait... C'est quoi, finalement, une définition d'énergie? La moins pire définition que j'ai trouvée, pas trop compliquée, efficace, qu'on va se donner pour commencer, c'est que l'énergie, c'est la capacité à faire quelque chose. N'importe quoi comme quelque chose? C'est... si on a la capacité à faire quelque chose, si on se lève le matin puis on se dit « Ah, je suis rempli d'énergie », c'est qu'on se sent capable de faire quelque chose. Fait qu'en ce sens-là, ça répond à notre intuition de tous les jours. Après ça, si je prends une grosse roche, je la lance, bien, cette roche-là qui est en mouvement a la capacité de faire des dégâts, de briser quelque chose. Fait qu'elle a de l'énergie. Du point de vue de la science, c'est ça aussi de l'énergie. On appelle ça de l'énergie de mouvement, de l'énergie cinétique. Puis, on peut comparer par exemple à une petite roche que je lance. à la même vitesse qu'une grosse roche, qui est la plus grosse, a plus de capacité à faire quelque chose, à briser des choses que la petite roche que j'ai lancée. Donc, la petite roche a moins d'énergie. Le feu, il va avoir la capacité à chauffer la soupe? À mettre une maison en feu, à briser des trucs. Fait que, bon, le quelque chose est vague, puis la capacité, ça reste quand même assez vague, mais bon, c'est notre point de départ, disons, pour tout ça. Puis quelque chose qui est vraiment important aussi sur, à propos de l'énergie, c'est que non seulement on peut la qualifier, en parler comme ça, dire il y a beaucoup d'énergie, moins d'énergie, mais on peut la quantifier de façon très précise. On peut dire cet objet a exactement tant d'énergie. Puis cette mesure-là de l'énergie, on la retrouve partout. Là. C'est ce qu'il y a sur, mettons, votre boîte de céréales, là, quand c'est écrit le nombre de calories. C'est vrai. C'est une mesure de l'énergie, les calories. C'est une unité de mesure pour l'énergie. Quand on paye notre facture d'hydro, c'est écrit des kilowattheures. Ça coûte de l'argent pour les kilowattheures. Kilowattheures, c'est une quantité d'énergie aussi. C'est, donc, tout ça, c'est des mesures de l'énergie. On utilise les BTU ou l'unité dans le système international. Mais il y a une correspondance dans toutes ces énergies. Oui, exactement. C'est on peut un facteur de conversion, comme quand on convertit des pieds en mètres ou des choses comme ça. C'est juste important de savoir que bon, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mesurer, puis on a des moyens de donner cette quantité-là. Puis l'autre chose qui est importante à propos de l'énergie, c'est que ça peut prendre différentes formes. On a de l'énergie, bon, comme on disait, on parlait du pétrole, ben il y a de l'énergie qui est sous forme chimique, là, on pourrait dire là-dedans. Une roche qui est en mouvement, ben c'est le mouvement, on appelle ça de l'énergie cinétique, un objet qui est en mouvement puis qui a la capacité à faire quelque chose. Si on étire un élastique, ben il y a la capacité, si on le lâche, une fois qu'il est bien étiré, il va partir, puis on peut se donner un coup d'élastique avec. Bon, ben, il y a la capacité à faire quelque chose. L'élastique, quand il est étiré, on appelle ça de l'énergie potentielle élastique. Fait qu'il y a toutes sortes de formes d'énergie, là, je ne passerai pas toutes, mais bon, thermique, électrique, gravitationnelle, etc. C'est toutes des formes différentes que peut prendre l'énergie. La chose qui est centrale avec la notion d'énergie, c'est que l'énergie, c'est aussi une quantité qui est conservée. Bon. OK. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en physique, on utilise ça très, très, très souvent, même en science de façon générale, des principes de conservation qu'on dit. Une loi de conservation, ça veut dire en gros que quand il y a un processus qui se produit, une quantité va être invariante, ne variera pas pendant le processus. Par exemple, un qui est très connu, c'est la conservation de la masse. En chimie, on dit « rien ne se perd, rien ne se crée ». Ça veut dire essentiellement que si on pèse tout ce qu'on a avant une réaction, on laisse la réaction se produire, on s'assure de tout récolter, ce qui s'est transformé dans la réaction, puis si on pèse après, les masses devraient être égales avant et après parce qu'il n'y a rien qui s'est créé dans la réaction et rien qui s'est perdu. Okay. Donc, la quantité conservée, c'est la masse. Il n'y a pas eu de gain, il n'y a pas eu de perte. C'est en d'autres molécules, d'autres morceaux, mais la masse de ces différentes molécules est la même que ce qu'on avait initialement dans notre réacteur. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu des transformations. Ouais. Les molécules se sont réarrangées, mais la masse a été conservée. C'est la même chose pour l'énergie. L'énergie, elle va prendre différentes formes, puis bon, dans une situation donnée, elle peut changer de forme, passer de, je sais pas moi, électrique à cinétique, peu importe. Mais si on calcule toute l'énergie avant une réaction, puis calcule toute l'énergie après la réaction, puis qu'on n'en oublie pas, ben on a la même quantité avant et après. Ça nous permet de prédire des choses. Par exemple, si je disais tantôt étirer un élastique, si j'étire un élastique, si je calcule la quantité d'énergie qu'il y a quand il est étiré, après ça, je le lâche, il va partir, il va se mettre en mouvement. Je suis capable de prédire la vitesse à laquelle il va être tiré parce que il y a conservation de son énergie. Donc, cette particularité-là de l'énergie, ça, qui porte le nom aussi du premier principe de la thermodynamique, ben c'est une loi vraiment fondamentale en science. Puis là, ben l'énergie est donc conservée, mais la question intéressante qu'on pourrait se poser, pourquoi pas, c'est pourquoi l'énergie est conservée? Ah ben oui, j'avais pas pensé à la question. Ben non, on n'avait pas pensé à la question, mais dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a trouvé une réponse à cette question-là. Je crois qu'avant même que des gens lui posent, Émile Noether, il y a à peu près 100 ans, à travers un théorème qui expliquait pourquoi l'énergie était conservée. Fait qu'on va essayer de voir un peu tout ça. C'est un théorème mathématique qui repose sur des mathématiques assez complexes, mais le résultat du théorème est accessible. On peut le comprendre l'idée du théorème sans passer par toute la démarche de comment le démontrer, ce théorème-là. Et donc, c'est ça, ça a été publié dans un article, ça porte un nom, c'était en allemand, là, mais ma traduction, c'est « problème variationnel invariant ». Donc, problème variationnel invariant, ça c'est abstrait comme Ouais, et c'est quand même c'est probablement un des résultats les plus profonds de la science dans le sens fondamental qui a jamais été trouvé et ça porte ce nom là, bref, cet article là en 1918. Mais pour bien le comprendre, faut parler d'une notion peut-être une autre chose là qui est la symétrie. La symétrie. Donc, c'est quoi la symétrie? Ouais, ben une symétrie, tout le monde se fait une idée de quelque chose qui est symétrique. Tu sais, une forme qui est symétrique. On se dit, s'il y a une ligne qu'on peut passer à travers puis faire une réflexion un peu miroir, puis quand la forme reste inchangée, on dit que l'objet est symétrique. Ouais, puis peut-être il y a un axe de symétrie, là, les deux côtés sont pareils, se superposent. C'est ça. Donc, la forme reste inchangée si on la réfléchit sur un axe de symétrie. Puis de façon plus large en géométrie, c'est un objet qui va rester inchangé quand on lui fait une transformation. Par exemple, une carte à jouer, il y a des cartes à jouer que si on les prend puis on les tourne de 180 degrés, elle va rester pareille pour qu'on puisse la tenir dans les deux sens, c'est bien fait. Par exemple, le valet de cœur, en général, là, on peut le tourner de côté puis de 180 puis elle ne change pas. Et ça, ce serait une symétrie de rotation de un demi-tour que cet objet-là possède. Ou un flocon de neige, tu sais, il y a une symétrie dans les flocons de neige. Les flocons de neige en particulier, on appelle ça une symétrie hexagonale. Ouais. On peut le tourner 60 degrés, puis il va rester le même. Ça reste la même inchangé. Image. Mais il y a quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces symétries-là, c'est quand on transforme l'objet, on fait une transformation géométrique de l'objet, l'objet reste inchangé, reste invariant. Puis en mathématiques, on utilise ce qui est intéressant avec les mathématiques, c'est qu'on part de quelque chose de concret, bon, la symétrie comme ça, comme on se le définit, puis on peut le généraliser à des équations, à des beaucoup plus larges que juste des formes géométriques. Donc, c'est ce qui est fait en mathématiques avec la symétrie. On peut se dire, au lieu de transformer une forme, ça pourrait être n'importe quoi, une relation mathématique, si on lui fait subir une transformation, puis qu'elle ne change pas, c'est qu'elle est symétrique aussi. Donc, c'est quelque chose comme ça, une idée comme ça qu'on peut généraliser. Puis, je vais donner un exemple juste pour qu'on se comprenne. Mettons, on parle d'inflation ces temps-ci. Bon, l'inflation, tout coûte plus cher. Mettons, dans quelques années, je ne sais pas, moi, aller faire l'épicerie, peut-être que ça va coûter 3 000 $. Je ne sais pas. Mais... bon, si tout coûte très cher, à quoi servent nos billets de 5 $ ou nos 1 $? On pourrait créer des billets qui valent plus cher, mais une autre option aussi, ce serait tout divisé par 1 000. Fait que notre épicerie qui coûtait 1 000 $ ou 3 000 $, mettons 3 000 $, elle revient à coûter 3 $, puis bon, on recommence avec à réutiliser nos sous noirs et compagnie. Mais si on divise tout par 1 000, ça changerait rien. Parce que si tout coûte moins cher, puis tout le monde on divise par 1 000 le compte en banque de tout le monde, on laisse notre économie invariante. C'est ça, exactement. Fait que c'est une symétrie, c'est une opération qui serait symétrique pour notre économie, qui laisserait notre économie invariante. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on pourrait dire une économie ou une opération peut se retrouver à être symétrique du point de vue des mathématiques. C'est ça. Parce qu'elle reste pareille. Mais là, donc, tu nous emmènes dans le domaine de la symétrie, mais c'est quoi le rapport avec l'énergie? Ben, c'est là qu'arrive le théorème de Noether. Ce que ce théorème-là nous dit, c'est que il arrive parfois qu'on peut trouver des symétries dans les lois de la physique, par exemple, qui vont rester inchangées, invariantes, sous certaines transformations. Par exemple, si je fais une expérience, je laisse tomber, par exemple, une roche par terre, elle va tomber, je pourrais décider de mesurer sa vitesse quand elle touche le sol ou quelque chose comme ça. Je fais une expérience. Si je fais la même expérience le lendemain, je devrais m'attendre à avoir le même résultat. J'espère. Ben, effectivement, on s'attend à ça que les lois de la physique ne changent pas dans le temps. Ben, donc, les lois de la physique sont invariantes ou donc symétriques à une translation dans le temps, à une transposition dans le temps. Mais ce que le théorème de Noether démontre, c'est que l'invariance des lois de la physique dans le temps implique obligatoirement que l'énergie, cette quantité-là, est conservée dans l'univers. Et c'est pas tout, parce qu'en plus, ça prouve l'inverse. Émile Noether a démontré non seulement un théorème dans un sens, mais aussi dans l'autre sens. Elle a dit que s'il y a une quantité comme l'énergie qui est conservée, ben, ça l'implique que les lois de la physique doivent être invariantes, symétriques dans le temps. Ça va comme dans les deux sens. Autrement dit, ce que ça dit, c'est que la symétrie des lois de la physique dans le temps, le fait que les lois de la physique ne changent pas dans le temps, et la conservation de l'énergie, c'est comme la même affaire. Mm-hmm. Et donc, la définition très moderne et très mathématique de l'énergie serait en quelque sorte le fait que les lois de la physique ne changent pas dans le temps. Mm-hmm. C'est ça, de l'énergie, c'est lié à ça fondamentalement. Ah oui, c'est là que ça nous amène dans un terrain abstrait presque. Oui, c'est là, après ça, on peut réfléchir à tout ça et se poser des questions. Puis en plus, le théorème de Noether montre pas ça seulement pour l'énergie, le démontrer pour toutes sortes d'autres transformations symétriques et donc si les lois de la physique varient pas dans l'espace, on peut faire une expérience ici puis se tasser à côté, refaire la même expérience, s'attendre au même résultat. Ça implique une autre quantité conservée, on appelle ça la quantité de mouvement et toutes sortes d'autres choses comme ça. Il y a toutes les c'est un théorème général sur les symétries et les lois de la conservation, le théorème de Noether qui est utile dans en physique fondamentale aujourd'hui encore. J'avais jamais entendu parler de ce théorème et il a l'air quand même assez fondamental, justement. Ouais. Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas cette personne-là, Émile Noether? Oui, Émile Noether, évidemment, comme toutes les femmes qui ont fait de la science il y a 100 ans, est passablement oubliée par l'histoire. Okay, parce que là, tu ne nous avais pas dit que c'était une femme. Oui, c'est ça. Noether, mais c'est une femme qui... moi, quand j'ai appris le théorème de Noether, j'ai appris l'existence de ça à un certain moment dans mon bac, mais je ne savais pas que c'était une Émile Noether qui l'avait faite. C'est une femme qui est née en 1882 et qui est née en Allemagne d'une famille riche d'un père qui était un grand mathématicien, un mathématicien quand même connu pour son époque, qui s'appelait Max Noether. Et en fait, on pourrait penser qu'elle a eu, tu sais, des bonnes conditions pour réussir, mais en fait aussi, elle vient d'une famille, elle était juive et elle a vécu les premières décennies de l'Allemagne et donc toute la montée du nazi et tout ça. C'était pas des très bonnes années. Ouais, effectivement. Donc elle a été vraiment à contre-courant pour beaucoup de choses. Elle a fait son chemin en mathématiques à l'université. Elle a commencé à une époque où est-ce que les femmes n'avaient pas le droit d'être inscrites à l'université officiellement pour suivre des cours. Par contre, son père était professeur d'université et donc elle a eu accès à des salles de classe en mathématiques. Elle était passionnée par les mathématiques. Fait que pendant les premières années de sa vie, elle va, t'sais, suivre des cours sans être officiellement inscrite. Et puis, en 1904, l'Allemagne va permettre enfin à des femmes de pouvoir s'inscrire à des cours universitaires, ce qui va lui permettre d'avoir un doctorat en 1907, à une époque où, si on a un doctorat en mathématiques, tout ce qu'on peut faire dans la vie si on est une femme, c'est rien du tout, parce que on n'a pas le droit, les femmes avaient le droit d'avoir un doctorat, mais pas le droit d'être professeur. Ah oui. Donc, elles ne pouvaient pas gagner un salaire. Ça va falloir attendre jusqu'en 1923 avant qu'elle ait son premier chèque de paye comme professeur. Et encore là, c'était pas un si gros salaire. Mais Émile Noether, bref, qui a fait son chemin dans des conditions où est-ce que l'éducation des femmes était beaucoup plus restreinte, là, pour ne pas dire quasiment nulle, a quand même réussi à collaborer avec David Hilbert, avec Albert Einstein, avec, bref, les plus grands savants de son époque. En fait, elle va se retrouver vers 1915, alors que Albert Einstein était dans une espèce d'impasse avec sa théorie de la relativité générale, qui est la théorie sur la gravitation là, de Einstein, probablement son chef-d'œuvre de sa vie, mais va se retrouver à travailler en équipe, à essayer de débloquer Einstein avec l'équipe de mathématiques à l'université où elle se trouvait à ce moment-là. C'est quand même peu connu, son implication dans la relativité générale, mais elle a été essentielle à ce niveau-là. Elle a développer toutes sortes d'idées mathématiques qui vont... qui ont aidé Einstein à peaufiner ses idées ou à développer ses idées sur la théorie, sur la relativité générale. Oui, la relativité générale, c'est souvent vu comme l'invention d'Einstein, puis bon, on lui donne beaucoup de crédit pour ça, puis il en mérite certainement, mais c'est aussi un travail de... Il n'a pas fait ça tout seul. Il y avait ferments déjà. Oui, puis il y a eu besoin d'un coup de main à certains moments de différents mathématiciens, puis Minotaur faisait partie de ces mathématiciens-là qui ont eu des échanges. Et puis de cette réflexion-là sur la relativité générale, parce qu'il y avait des problèmes à propos de la conservation de l'énergie en lien avec la relativité générale, c'est de là que Minotaur va développer son théorème. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va publier ce théorème-là, puis pour elle, elle était passionnée de mathématiques, mais pas vraiment de physique. Elle va développer ça parce que c'était la question de l'heure, si on veut, puis les gens avec qu'elle côtoyait travaillaient là-dessus. Mais après ça, elle s'intéressera plus du tout de sa vie à la physique. Elle n'a jamais été une physicienne, en fait. C'était plus une mathématicienne. Puis après ça, durant sa vie, elle va travailler sur toutes sortes d'autres choses. Elle est assez importante dans le domaine des mathématiques, même si elle est peu connue. C'est ça. Elle va enseigner aussi, elle va être une professeure qui était vraiment reconnue à son époque, suivie par des fervents étudiants, jusqu'à ce qu'il y ait l'Allemagne bascule de façon assez profonde du côté nazi et antisémite. Et puis, à ce moment-là, on va lui enlever le droit d'enseigner. Mais elle va continuer, apparemment qu'elle a même donné des cours chez elle en secret, jusqu'à temps que la pression soit trop forte et qu'elle se sauve d'avoir cette terre d'accueil pour les immigrants qui étaient les États-Unis au début des années 1920, donc en 1933, elle immigre aux États-Unis. Malheureusement, elle va mourir 2 ans plus tard après avoir immigré. Sa vie s'est terminée assez jeune, à 53 ans, si je ne me trompe pas. Pour un peu toutes ces raisons, on n'en a pas tant entendu parler. Elle est connue là, par les gens qui font de la physique et peut-être les mathématiciens, mais est quand même peu connue du public, même si ses idées ont été assez importantes. Il y a des gens qui ont dit que son théorème était probablement le théorème le plus important, celui de Pythagore. C'est pas moi qui a dit ça, c'est des mathématiciens importants. En fait, elle nous a montré ce qu'était au niveau fondamental l'énergie, puis pourquoi elle était conservée cette quantité-là. Je ne sais pas, quand vous lirez la prochaine nouvelle sur l'énergie, peut-être avoir une pensée pour cette femme remarquable qui a réussi à faire ces idées-là, à développer ces idées mathématiques-là. Je dois avouer que j'ignorais complètement ce nom de Minotaur. Alors, merci beaucoup, Mathieu, de nous l'avoir présenté. Ça me fait plaisir. Nous avoir aussi présenté un autre visage de l'énergie aussi. Oui, tout à fait. Il y a des excellents livres de biographies qui ont été faites sur Minotaur récemment. Ça vaut la peine de creuser ça si ça vous intéresse. Voilà, on peut creuser l'histoire. Alors, je rappelle que Mathieu Riopel est professeur de physique au Cégep Garneau et chargé de projet au Centre de démonstration en sciences physiques.